Chapitre 6. De la fête à papa Quimper et de mes adieux avec Fanchette. Le bateau du brigadier. Nous regagnâmes tout pensif l'antre de veuve Élie. Jean se remit à piler son poivre, moi à moudre mon café. Désormais, nous ne pûmes nous parler qu'à l'heure où nous entrâmes dans nos bières respectives. Jean, qui n'était plus sous le charme, me dit: il n'y a pas besoin d'aller si loin que l'Amérique. Avec les 200 francs qu'on aura, on peut s'associer tous les trois, Fanchette, toi et moi. Je monterai une boutique à l'entrée du Sillon. Il y aura dedans du crin, des hameçons, des cancres francs pour appâter les lignes, des havenots pour la pêche aux crevettes, des petits crocs pour lever les homards, enfin, tout ce qu'achètent les innocents de Paris qui ne prennent jamais rien et qui espèrent toujours prendre, sans compter les biscuits de mer pour les Anglaises et les écritoires en coquillage pour les collégiens. Avant 5 ans, nous aurons 2 000 francs au lieu de 200. Je haussai les épaules avec dédain et je répondis: dans 5 ans, je dépenserai 2 000 francs à chaque déjeuner et autant à dîner, et je mènerai ma femme à la promenade dans un carrosse tout chamarré de rubis. Qui ça, ta femme? Fanchette, parbleu! Et si nous ne sommes pas noyés en route, ou brûlés, ou mangés par les ogres d'anthropophage? Gronda Jean, qui se retourna dans sa boîte à cierges. Je ne suis pas encore parti. Ah, mais non! Il s'endormit. Moi, je ne fermais pas l'œil de la nuit. Je rêvais tout éveillé que je me suivais moi-même au milieu d'un méli-méla d'aventures, toutes plus agréables les unes que les autres, et flatteuses. Depuis que j'avais l'âge de raison, je vivais de vanité sans trop le savoir. Ce qui me tenait surtout dans mon beau rêve, c'était la pensée du retour. Tout Saint-Malo aux fenêtres, et veuve Élie, je priais Dieu de l'empailler jusqu'à ma rentrée triomphale, appuyé sur sa béquille au pas de sa porte pour voir passer mon palanquin. Je l'entendais parfaitement qui disait: c'est le fameux capitaine Quimper, Corentin. Voyez ses beaux chevaux, ses nègres et ses bayadères. Voyez sa femme qui porte plus de panache que le dé à la procession de la fête Dieu. Il a été moulé à café chez nous, ce polisson-là. Ça nous honore. Puis, je me trouvais tout à coup dans un salon doré. Et certes, un salon doré était pour moi une chose aussi inconnue que l'Amérique, mais cela ne gênait en rien mon imagination. Je voyais une cohue de belles dames dans les flots de paillettes et de lumière. Elles se trémoussaient autour de moi et me regardaient avec des yeux. Il fallait voir. J'étais assez bon prince avec elles, je m'en souviens. Je n'en rebutais que les 3/4 et me laissais complimenter par les plus huppés. Je reconnus dans la foule mes 2 sœurs de lait, Marie et Jeanne, avec les cancalaises qui portaient la queue de leur robe. Je leur fis un pied de nez et je leur dis: hé, là-bas, le moulin à café a moulu de l'or. Ah, les pauvres filles, comme elles étaient penaudes. Tout à coup, le rire et les larmes me vinrent ensemble. C'était maman Quimper avec sa veste de matelot par-dessus sa camisole, en grande tenue, quoi, qui arrivait pareil à un ouragan en bousculant la société sur son passage. Elle remorquait son petit homme à la traîne et gare au falbala qui lui barrait la route. Je me sentais enlevé dans ses bras comme si j'eusse été encore un petit enfant et je l'entendais crier plus haut qu'un porte-voix. « Hola, hé, les messieurs et les dames! Celui-là est mon fio. Je suis la maman du capitaine Corentin Quimper, qui dépense en 1 jour 3 fois plus que Monsieur Surcouf ne mangeait en 1 mois. Et il a bon cœur, tenez le chérubin, car il se laisse embrasser par sa mère. » Ce n'était pas dire assez, Dieu merci. J'ai bien des défauts, mais rougir de maman, nom de bleu, ça ne me connaît pas. Je lui rendais ses caresses, je la mettais dans un palais, et mes bayadères étaient obligées de la servir, coiffée qu'elle restait de sa catiole de toile, son chapeau ciré par-dessus, et vêtue de sa jupe de tire-laine sous son orois goudronneux. Ah, mais voilà une bonne femme qui avait de l'agrément dans sa vieillesse. Et Fanchette, donc, figurez-vous. Mais ça vous ennuie, hein? Moi, je radoterai ces bêtises-là jusqu'à dimanche. Vers le matin, pourtant, ma fièvre se calma et mes idées tournèrent à la mélancolie. Avant les joies du retour, il y avait les tristesses du départ. Je pleurais à la pensée d'embrasser maman pour la dernière fois, peut-être. Et si je n'allais plus revoir Fanchette ? Veuve Élie me trouva, contre l'habitude, habillée de pied en cap et prête à me mettre au travail. La béquille tomba d'aplomb sur le pauvre Jean qui sauta hors de sa caisse en hurlant car il croyait que c'était déjà l'attaque des sauvages. Nous parlâmes peu, Jean et moi, durant cette matinée. Je travaillais comme un nègre pour ne pas fournir au Élie un prétexte de me refuser congé. À midi, en effet, nous quittâmes le tablier bleu sous promesse de le reprendre avant la nuit. Pour ce qui me concernait, le déménagement n'était pas difficile. J'emportais sur moi mes habits de fête, abandonnant sans regret les haillons qui me servaient tous les jours. Mais il n'en était pas de même pour Jean Piteux qui ne voulait rien laisser. Non seulement il avait mis son uniforme d'apprenti sous ses autres habits, mais encore ses poches étaient bourrées de toutes sortes de rebuts, plus ou moins volumineux, qui ne valaient pas 10 sous mais qui doublaient sa corpulence. Je tremblais qu'on ne le fouillât. Cela eût suffi pour éventer notre complot. Heureusement, veuve Élie avait son idée. Elle s'était postée en dedans du seuil pour voir passer et distribuer à chacun de nous la taloche de l'étrier. Au lieu de retourner à sa besogne, elle franchit la porte derrière nous, impétueusement, et ameuta les voisins pour leur dire « Regardez-moi ces deux créatures! Nous accusera-t-on encore de faire jeûner nos apprentis ? Voici Corentin qui est plus haut que le pavillon de la sous-préfecture, et vous souvenez-vous quel rat écorché c'était que ce piteux ? Le voilà rond comme une futaille !» Je demandai à Jean, quand nous fûmes en sûreté, « Comment feras-tu pour porter ta part de pacotille, avec tous les bric-à-brac que tu as déjà dans tes doublures ?» Il ramassa un éclat de bois de campêche qui traînait sur le pavé et le brandit en me répondant « Je porterai la ville de Saint-Malo si elle était à moi. Le bien qu'on a ne pèse pas. Ce qui est lourd, c'est la misère. » Dans l'entrepont de la jeune Émilie, la soupe chaude emplissait déjà les écuelles. Papa Quimper, qui s'était mis en train dès le matin pour sa fête, chantait comme une douzaine de loriots. Maman nous embrassa à pleines joues. Je ne pouvais pas me retirer de ses bras. « Tu sais, me dit-elle, que Petit Guerne est un scélérat. Il ne faut aimer que les siens. Et je le méprise à présent. Le sang-cœur qu'il est ne m'a pas écrit un seul mot depuis le temps, quand ça n'aurait été que pour me dire « Maman, crachez un peu de monnaie, car il ne doit pas être à la noce au régiment, le pauvre amour. Conséquemment, tu dois me donner de la satisfaction pour le chagrin que j'ai. Veuve Élie m'a dit qu'elle était plus contente de toi. Je veux qu'elle soit bien aise avec ta conduite tout à fait, quand j'irai pour ma provision de résine. On t'aime pour Petit Guerne et pour toi maintenant. Attention !» Cela me faisait le cœur bien gros. Il était déjà tard quand on se leva de table. Chaque invité avait apporté son plat et je pensais que le dîner ne finirait jamais. Il faillit se terminer mal par une circonstance qui vous paraîtra insignifiante. Mais mettez-vous bien dans la tête qu'il n'y a rien d'insignifiant dans l'histoire de ma vie. Vous verrez plus tard. Il y a donc maman avait souvent grondé papa pour ses liaisons avec un gros lascar de Calfa, paresseux, ivrogne et voleur, qui passait pour un repris de justice. Il y en avait même qui parlaient tout bas du bagne en causant de lui, du vrai bagne de Brest ou de Toulon. Il s'appelait Langourdel. J'avais oui souvent son nom dans les disputes de ma famille, mais je ne l'avais jamais rencontré, prisonnier comme je l'étais et ne sortant point de la boutique d'Élie. C'était de même pour Jean. Lui et moi, nous avions un petit peu envie de voir ce gros coquin-là à qui on prêtait des tours de cartouches et de mandrins. Et quand nous étions bien en colère contre les Élie, il nous arrivait de dire « Langourdel ne viendra donc jamais mettre le feu à la baraque ?» Une fois que je disais cela, Jean me répondit « Tu crois rire ? Eh bien, j'ai entendu veuve Élie et Élie Neveu hier qui bavardaient de Langourdel tout bas à la cave. Ils le connaissent. » Il n'en fut que cela. Aujourd'hui, au moment où l'on sucrait le café, la voix éclatante de maman domina le brouhaha, criant à l'adresse de son mari « Attrape à répondre, toi ! Tu as encore déserté avec lui et tous les renégats !» Papa Quimper, saisi à la nuque, se débattait faiblement et balbutiait. « Vrai comme Dieu est Dieu, je n'ai pas fréquenté ensemble avec Langourdaine depuis qu'il a quitté le port pour passer ours au cirque de Saint-Servant. » Cela fit rire maman qui lâcha prise, disant « Ah, il a passé ours de saltimbanque, ça lui va joliment. Ceux ici présents sauront que toutefois, et quand ils rencontreront M. Quimper en compagnie de Langourdaine ou de Nicolas, ou des autres renégats que j'ai jetés à la porte de ma buvette, ce sera de m'en avertir verbalement ou par la petite poste, afin d'y mettre ordre. Que c'est honteux pour un homme de son âge, mari de moi et père de tant de familles, de s'enracailler avec un faux ours Martin. Deuxièmement, que si quelqu'un de la société connaisse Langourdaine, je le charge de lui dire en douceur qu'il y a pour lui une volée toute prête dans mon tiroir à la justice de paix, une vraie, à trépigner dessus jusqu'à la mort et qui décornerait les 500 bœufs du diable. Ça y est-il ? Ça y est, maman, ça y est, répliquèrent les convives à l'unanimité. Et l'un d'eux, je ne sais plus lequel, ajouta « Ne vous en faites pas de deuil pour Langourdaine. Les gendarmes ont descendu aujourd'hui à la ménagerie du cirque olympique pour le ramasser. »« Il a encore fait un mauvais coup ?»« Non, c'est de l'ancien, du temps qu'il travaillait du côté de la Belgique ou Hollande. Et les gendarmes sont descendus aussi chez les Élis, pas plus tard que tout à l'heure. On juge si nous dressions l'oreille, ce devait être depuis notre départ. » Maman s'écria suffoquée. « Les gendarmes ?» Chez les Élis ? Pourquoi faire ? Qu'on disait ci et ça, poursuivit l'autre, que le Langourdaine était peut-être caché d'amitié dans leur cave avec Nicolas. Les Élis sont de bon monde, proclama péremptoirement maman. C'est des petitesses de clabaudager contre des gens si riches. L'autre acheva. Je ne vais pas contre. Le sûr, c'est qu'on n'a pas trouvé Langourdaine chez les Élis. Et le monde dit qu'il a appareillé pour plus loin, ayant passé à bord d'un caboteur en partance pour éviter le jury. Ce Nicolas, dont le nom venait d'être prononcé, avait été employé avec nous à la boutique Haley. Sa réputation était celle d'un coquin. En temps ordinaire, nous aurions fait grande attention à tout cela, mais ce soir, nous avions bien autre chose en tête. Nous profitâmes du bruit soulevé par ces incidents et nous pûmes quitter la table sans exciter l'attention. Aussitôt libres, Fanchette, Jean et moi, nous descendîmes dans la cabine de Guénolé pour tenir conseil. La fameuse pacotille était là, sur la table de travail de mon frère. Jean avait espéré de la verroterie, des petits couteaux et des colliers de porcelaine, pour séduire les Indiens. Il en était encore au vieux jeu du capitaine Cook. Mais Fanchette, plus intelligente, avait acheté tout bonnement de la mercerie. « Voilà !» nous dit-elle, ce qui ne tient pas de place et ce qui se vend bien partout. Depuis que je suis en magasin, j'ai vu passer des gens de tous les pays et j'ai pu prendre mes informations. Au nord comme au midi, dans les 5 parties du monde, les dames courent après la mercerie de Paris. Jean objecta que dans les pays sauvages où les dames n'ont, pour ainsi dire, pas de vêtements, elles n'ont pas besoin de fil ni d'aiguille. Mais Fanchette lui rit au nez en disant « « Depuis le temps de Laurent Bruant, mon piteux, il a coulé bien de l'eau par devant la tour Solidor. Demande à l'abbé qui sait le latin. Les sauvages, au jour d'aujourd'hui, portent des faux cols et des manchettes. J'entends les hommes, et les sauvagesses ont des crinolines. » Puis, toute pâle d'émotion, mais d'une voix brave, elle ajouta « Ne nous endormons pas, mes petits. Voici la brune qui tombe, et le jusant commencera à 7 heures. » Il faut charger le bagage et partir. Ah, je ne dis pas non. Le cœur me manqua et je demandais en pleurant. Est-ce que je n'embrasserai pas encore maman Quimper une pauvre petite fois ? L'abbé se pencha à mon oreille et murmura. Frérot, tu peux encore renoncer. Fanchette le prit au collet. Elle avait bonne envie de pleurer aussi, mais elle se forçait à rire. Toi, Corentin, s'écria-t-elle. « Tiens-toi droit, il me faut un mari en bon bois. Vois Jean s'il pleurniche. » Jean inventoriait la pacotille. La pacotille le réconciliait avec les aventures. Il arrimait déjà sa part de bagage autour de ses reins. J'eus honte, j'essuyais mes paupières d'un revers de main et je me redressais tout de mon haut. « Nom de bleu !» dis-je en grossissant ma voix Au diable la sensibilité. Si on croit que j'ai peur, je suis prêt. Dis-nous seulement quel navire tu as choisi et comment nous allons le rallier. Jean, attention, il n'y a pas trop de deux paires d'oreilles, car j'ai idée que la manœuvre n'ira pas toute seule. » Fanchette me donna une de ses mains et mit l'autre sur l'épaule de Guénolé. « Il y a donc, dit-elle, que l'abbé est un cœur. Il s'est conduit à la papa. Malgré qu'il n'ait pas trop d'avis du voyage, il a parlé à trois capitaines. Mais ils ont demandé tous les trois, comme de juste, si la chose se faisait avec le consentement de maman Quimper. Dans l'état de Guénolé, on ne peut pas mentir, pas vrai ? Il a donc répondu en vrai agneau que les deux petits gars voulaient partir en cachette. Et alors, les trois capitaines l'ont envoyé paître, sauf le respect bien entendu de son uniforme. Dame, l'abbé était bien embarrassé, car de s'adresser à d'autres, c'était tout pareil. Le tabac de maman est trop connu en rade, et qu'elle aurait ameuté tout le port en criant à la force. Tout d'un coup, donc, il s'avisa de Toussaint Morin, qui était avec lui à l'école dans le temps et qui est devenu maître trancheur à bord de la Marie-Pauline à Madame Veuve Surcouf. Il paraît que l'hiver passé, pour ci ou pour ça, maman avait frotté de trop près les côtes de Toussaint Morin qui est resté une semaine sur le dos après l'histoire. C'est un joli garçon qui ne veut point de misère à maman, pour sûr, mais qui n'est pas fâché de lui couler un chien de sa chienne. Ça se trouve bien. Il a donc dit qu'il serait de garde tout seul ce soir avec le cuisinier à bord de la Marie-Pauline parce que l'équipage fait la noce en grand au compte de Madame Veuve Surcouf, rapport au départ qui a lieu demain matin au plein de l'eau. Par ainsi, Corentin et Jean, vous n'aurez qu'à accoster la Marie-Pauline, à grimper par les haubans et à suivre Toussaint Morin qui vous conduira à fond de cale et vous cachera bien commodément dans le sel. » Jean fit un saut de côté en répétant « Dans le sel ?» Fanchette poursuivit « C'est l'endroit le plus sain du bâtiment et ça conserve jusqu'aux bêtes mortes. D'ailleurs, vous ne resterez pas là bien longtemps. Dès que vous serez au large de l'île Césambre, vous pourrez sortir de votre cachette et vous direz au capitaine qui est un bon enfant « Nous sommes montés à votre bord ni vus ni connus, comme des souris, pour cause que vous n'auriez pas voulu nous embarquer de bon gré. » Crainte d'affronter maman Quimper, qui fait peur à tout le monde. Mais maintenant que la chose est faite, c'est pour avoir l'honneur de vous bien prier, de ne pas nous battre et de nous mettre à la manœuvre, comptant payer notre passage en travaillant, et même vous donner un coup d'épaule à la pêche, là-bas, sur le grand banc, si c'est un effet de votre politesse. » Ce discours m'enthousiasma de part en part et je m'écriai. « Quel mignon ménage on fera nous deux, avec tout l'esprit qu'on a, moi et toi, ma Fanchette !» Mais Jean était devenu sombre. Il secouait la tête et grommelait. « Dans le sel, il y aura peut-être des coups de garcette. » C'était mon tour d'être homme. « Quand même » m'écriai-je. « J'aime encore mieux ça que les coups de béquille. » « Mais pour aller jusqu'à la Marie-Pauline, comment ferons-nous, ma Fanchette ?»« Il y a, » répondit-elle, « le bateau du brigadier. » Avec quoi il va pêcher les congres sous le bastion de la Hollande. Pour nager, vous aurez Coco le noir qui se moque bien de la justice de paix de maman, pourvu qu'on lui donne une chopine d'eau-de-vie. Êtes-vous paré ? Pendant qu'elle nous fournissait ces explications nécessaires, la nuit était venue tout à fait. Au dehors, il faisait noir comme dans un four. C'était heureux pour notre évasion, mais une fois en rade, cela devait nous donner de l'embarras. On était en grande marée. L'eau clapotait juste sous les étais de la jeune Émilie. À 10 pas, le nègre Coco nous attendait dans le bateau du brigadier. Quand nous fûmes dehors, tous les deux bien tremblants, je regardais le sabord éclairé de la chambre où maman continuait de verser à boire à nos convives. La voix éclatante de papa Quimper sortait de l'ouverture et nous pûmes entendre qu'il racontait l'histoire de Laurent Bruant. C'était un bon présage, je dis à Fanchette. Tu embrasseras maman bien fort, bien fort. Mon frère Guénolé me prit dans ses bras et murmura. Il est encore temps. Fanchette nous sépara, et je m'écriai en sautant le premier dans la barque. Adieu, va, capons qui sont dédits. Fanchette aura des plumes à son chapeau et Veuve Élie viendra baiser le marchepied de notre carrosse. Jean monta derrière moi et dit seulement « Bien des politesses à tout le monde. Je m'engage à rendre la moitié de l'argent prêté s'il me profite. » J'ordonnai à Coco de pousser. Mais la main de Fanchette arrêtait la barque. « Folle que je suis !» dit-elle. « J'allais oublier le principal. Il y a plus de 20 navires en rade, sans compter la Marie-Pauline, et gréés presque semblablement. Nous avons convenu quelque chose entre Toussaint-Morin et moi, pour le cas où la nuit trop noire vous empêcherait de lire le nom au-dessous du couronnement. Faites bien attention, vous accosterez par la hanche de tribord et vous hélerez tout doucement. Olae, oh, oh. Si on vous répond, ce ne sera pas Toussaint-Morin, car il se méfie du cuisinier et il a promis de faire la sourde oreille. Donc, il faudra pousser au large et aller à un autre. Si au contraire, on ne vous répond rien, « grimpez hardiment, vous serez sur la Marie-Pauline. » Elle retira sa main. Coco appuya son aviron sur la vase et le bateau dérapa. « À te revoir, Fanchette !»« À te revoir, mon Corentin! Pense à moi !»« Oh, toujours, toujours! N'oublie pas d'embrasser maman Quimper, bien dur !» Je vis encore pendant une minute le mouchoir blanc qu'elle agitait. Puis... j'entendis la voix altérée de mon frère Guénolé qui disait « Je prierai le bon Dieu pour vous !» Ce fut tout. Nous étions en route vers le pays de l'inconnu.